nous saluons chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. La prière est une chose fondamentale dans la marche de chaque église. Maombi ni kitu ya msingi kwa kila mmoja wetu msafari ya imani. C'est une chose très importante pour la vie personnelle de chaque croyant. Ni kitu ya mafaa sana maisha ya kila mkristo. C'est la seule manière qui prouve que quelqu'un est réellement sauvé. Ni namna moja tu ya kuhakikisha kwamba huyu mtu hakika anaishaokolewa. Tout celui qui est né de nouveau. Yeyote anaishazaliwa mara ya pili. Qui a un brin de la vie de Dieu en lui. Vule kuna mbego ya buzima ya Mungu ndani yake. Aime la prière. Anapenda maombi. Si vous voyez dans votre vie tu l'aimes pas. Kama ukiona mu maisha yako haupendake maombi. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Manake hauyakuwa mtoto wa Mungu. Tu peux te donner tous les noms. Unawezi kujipatia majina yote. Tu peux te glorifier. Unawezi kujitukuza, kujisifu. Mais ta vie prouve que tu n'es pas un chrétien. Na lakini maisha yako iko na hakikisha sema una mkristo. Et tu n'es pas une chrétienne. Na hauna hata mkristo mwanamke. Regardez dans toute la Bible. Mtazameni katika Biblia yote. Tous les hommes de Dieu aimaient la prière. Batu bote ba Mungu baripendaga maombi. S'enfermer quelque part. Barikuwa najifungia fazi fulani. Pour chercher la présence du Seigneur. Jia kutafuta uso ya Bwana. Lorsqu'on vient à l'église. Wakati ile tukudakuja kanisa. Même si on est régulier tous les jours. Na hata kama unakuyaka kila siku. Mais vous écoutez la parole. Na lakini unasikia neno. Et vous ne priez pas. Aombe. Vous serez un croyant formaliste. Utakuwa tu mwaminifu wa kuonekana nje nje. Un croyant de nom. Mwaminifu tu wa jina. Un croyant dépourvu de fruits du Saint-Esprit. Mwaminifu asipokuwa na matunda ya Roho Mtakatifu. C'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Njo mwile namuna batoto ya Mungu beko naonekana. Les membres d'église. Na ba memba ba kanisa. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dans Proverbe au chapitre 24. Mezali sura makumi mbili na ine. Proverbe 24. Mezali sura makumi mbili na ine. Nous prenons le verset 14. Tutachugua mstari ya 14. Et nous prendrons aussi le verset 16. Tutachugua pia na mstari ya 16. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Nous venons devant ta présence avec toutes les prières. Tunakuja mbele ya uso wako na maombi yote qui t'ont adressé aujourd'hui. Ile barikuomba leo en faveur de frères et sœurs. Kwa ajili ya bantu kuna badada en faveur de cette église. Na mufaida ya hii kanisa en faveur de nous-mêmes. Mufaida yetu sisi wenyewe. Seigneur Bwana reçois-le comme une offrande de bonne odeur. Uipoke sawa sadaka ya harufu njema. Quand chacun de nous verra sa prière s'accomplir, wakati kila mmoja wetu ataona maombi yake najibiwa, la gloire te reviendra. Sifa itakurudiria. Maintenant, ô Dieu, sasa hivi Mungu, bénis encore ce service. Ubariki tena ikazi. Du début à la fin soit honoré. Mwanzo na mwisho uheshimiwe. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Kristo. Nous te prions ainsi. Tunakuomba hivi. Amen. Amen. De même connais la sagesse pour ton âme. Hivyo hivyo upate kujua hekima kwa ajili ya nafsi yako. Si tu la trouves, kama ukiipata, il est un avenir. Iko mwenda masiku yako. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Na matumaini yako hayezi kamwe kondolewa. Verset 16. Kumi na sita. Car cette fois le juste tombe. Kwani mara saba mwenye haki eko naanguka. Et il se relève. Na eko nalamuka. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alakini batu babaya beko najitumbukiza katika ole. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu ongeze baraka kusomi wa neno lake. La sagesse est une grande chose dans la vie de chaque croyant. Hekima ni kitu kikubwa sana mu maisha ya mwaminifu. Job nous enseignait et dit. Yobu alitufundisha na kusema. La crainte de Dieu, boka bwa Mungu, c'est le commencement de la sagesse. Njo mwanjo ya hekima. Il nous dit avoir de l'intelligence. Nana tombia kuwa na akili. C'est savoir s'éloigner du péché. Ni kujua kwenda mbali na zambi. Mais la sagesse, alakini hekima, nous amène à honorer la parole de Dieu. Iko natupeleka mukuheshimia neno la Mungu. Nous amène à honorer notre Seigneur. Iko natupeleka mukumheshimia Bwana wetu. Tout homme ou toute femme, mwanaume wote wala mwanamke wote, qui ne respecte pas la parole de Dieu, washipo kuheshimu neno la Mungu, n'a aucune crainte devant le Seigneur. Ana na boka ta kidogo mbele ya Bwana Mungu. Et il n'ira nulle part. Na huyu mtu ashiwezi kwenda fwashi. Mais celui qui craint le Seigneur, alakini ule konaogopa Bwana Mungu, fera des exploits dans sa propre vie. Atafanya maajabu mu maisha yake. Voilà l'homme qui a l'avenir. Huyu ndio mtu yuko na tumaini ya masiku itakuja. Voilà la femme qui a l'avenir. Na ndio mwanamke ule atatumaini yako ya kesho. Et comme l'écriture l'a dit ici, paka vile andiko inasema hapa, son espérance ne sera jamais anéantie. Tumaini yake hayezi kamwe kuharibika. Dieu ne sera pas pour lui une source trompeuse. Mungu astakuya kwake kamwe matumaini ya uongo hapana. Il sera certainement récompensé. Hakika huyu mtu atalipwa. Considérez les chapitres les versets 16. Mwangalie mstari ya 16. Cette fois le juste tombe. Mara saba mwenye haki eko naanguka. Et il se relève. Na kisha tena eko nalamuka. Dans le naturel, mwasili, lorsque les gens remarquent qu'une personne est tombée, wakati le bantu bakiona ya kwamba mtu fulani anaanguka, si ce dernier ne se relève pas le plus tôt possible, kama huyu mtu ashilamuke kwa haraka, tout le monde sera inquiet. Bantu bote batauzunika. Et vous verrez que tout le monde va se précipiter pour aller le secourir. Na mutaona kwamba bote watakimbilia kule juu kumsaidia. Parce que chacun comprendra que sa chute, Kila mmoja ataelewa sema kuanguka kwake kule a causé des dommages. Unamletea matatizo. Mais quand quelqu'un tombe, sasa kama mtu akianguka, et qu'il se relève, na pale pale analamuka, il prouve qu'il a la vie, anahakikisha sema kuna bujima, et qu'il a la force de se maintenir debout, na yuko na nguvu ya kushimama nayo. Mais celui qui tombe, lakini ule yuko na anguka, et qui demeure sur le sol, anabakiria pale pale chini, causera beaucoup d'inquiétude dans le cœur. Watu mingi watahuzunika juu ya ile. C'est vrai, frère. Ni kweli nduku. C'est vrai, ma sœur. Ni kweli dada yangu. Dans la vie chrétienne, mu maisha ya Kikristo, en tant que fils et fille de Dieu, sawa mtoto wa Mungu, mwanamke na mwanaume, nous devons éviter de juger les gens précipitamment. Tunapashi kuepuka kuhukumu batu kwa haraka. Surtout lorsque on n'a pas d'expérience soi-même avec le Seigneur. Zaidi wakati ile wewe mwenyewe hauna na onjo ile urufanya na Mungu. Il y a des choses qui sont connues par expérience. Ukubintu bila unaweza kujua mkufanya maonjo. Il y a des choses qui sont connues par une simple connaissance. Na bintu mingine nawe unabijua tu kwa ufahamu bule. Le jugement de celui qui a l'expérience kuhukumu kwa ule mtu anayeshafanya maonjo est différent d'un jugement de celui qui a la connaissance sans expérience. Kuna achana na kuhukumu kwa ule mtu yuko na ufahamu bila kufanya onjo. Mais le jugement de celui qui a les deux, lakini kuhukumu kwa ule yuko na vyote viwili, est un jugement parfait. Ni kuhukumu kwenye kueneana. C'est pourquoi avant de juger quelqu'un, je kwa mana, mbele ya wewe kuhukumu mtu, retenez votre langue, ushike kwanza ulimi yako, et observez longtemps, uangalishishe kwanza muda mrefu, et vous trouverez une bonne voie, pale utapata njia mzuri, ah, qui vous empêcherait vous-même de tomber dans la chute. Ile takuzuiza wewe mwenyewe na wewe ushanguke. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous continuons avec nos questions. Tukunendelea na maulizo yetu na majibu. Nous prenons la question 26. Tunachugua ulizo ya 26. Si une personne, kama mtu mmoja, après avoir cru, kisha ye kuamini, et fait une bonne expérience de la nouvelle naissance, na anafanya onjo mzuri ya kuzaliwa mara ya pili, mais après un moment, lakini kisha muda fulani, par négligence, kupitia tu kusula kwake, il commet un péché volontaire, na anatenda zambi ya kumakusudi. Et après cela, na kisha ile, elle vient regretter sincèrement et recommencer la vie de la sanctification en demandant le Saint-Esprit. Anahuzunika kabisa na kuya kulomba buluma na kuomba tena Roho Mtakatifu. Est-ce qu'elle peut encore se faire baptiser dans l'eau pour ce péché-là? Eti, huyu mtu anapashe tena bamubatize juu ya ile zambi yake ile? Je réponds à cette préoccupation du frère ou de la sœur. Niko najibu kwa haraka kui ulizo ya nduku wala dada. Dans toute la Bible, mu Biblia yote mzima, les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, batoto ya Mungu wale wanesha zaliwa mara ya pili, ne commettent pas de péché volontaire. Awatenda ke zambi ya kumakusudi apana. Vous devez retenir cela. Munapashi kubamba hiyo. Un péché volontaire est un péché impardonnable. Zambi tu ile unatenda kumakusudi ni zambi ile hawezi kusamehewa. C'est ce que la Bible appelle dans l'Ancien Testament. Joi le Biblia kunaita muagano la kale. Un péché à me lever. Ya kwamba mikono tu ile unatenda na mikono yako yulu. tu ne peux pas naître de nouveau. Hawezi kuzaliwa mara ya pili. Et pécher volontairement. Na kisha tena utende zambi kwa kusudi, hapana. C'est incompatible. Abipatane. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. Vient premièrement briser notre incrédulité. Ikunakuya kwanza ni kuvunja kutokuamini kwetu. C'est par la nouvelle naissance ni kupitia kuzaliwa mara ya pili que nos cœurs de pierre moyo wetu wa maiboe sont changés en cœur de chair. Inabadilika kuwa moyo wa mnofu. Et la nouvelle naissance na kuzaliwa mara ya pili engendre en nous un cœur obéissant. Inaleta ndani yetu moyo ya kutii. Vous voyez, frère. Unaona nduku. Vous voyez, sœur. Unaona dada. Nous devons savoir comment poser nos questions. Tunapaswa kujua namna gani ya kuuliza maulizo. Et quel est l'objectif que nous avons à atteindre en posant une question? C'est un problème qui touche la nouvelle naissance, c'est le péché, le baptême du Saint-Esprit. Na nikifukuzio kani kile tukunatafuta mkuuliza ulizo hii. Juu ni ulizo ile kunaangalia kuzaliwa mara ya pili na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Quand quelqu'un est né de nouveau, wakati ile mtu anaisha zaliwa mara ya pili, il s'élève dans son cœur un zèle. Ndani ya moyo wake mko ndalamuka bidii moya. Une soif. Kiu moya. De la sainteté. Ya butakatifu. Il n'est pas encore totalement saint, bien qu'il est saint. Ye walo kuwa kabisa mutakatifu hata vile eko mutakatifu. Il est saint pourquoi? Il est saint comment? Il est saint d'abord par la naissance. Kwanza ni mutakatifu kupitia kuzaliwa kwake. Na kupitia kukiri kwake. Il est devenu une propriété de Dieu. Un enfant de Dieu. Jua anesha kwa mali ya upekee ya Mungu na mtoto wa Mungu. Anatokea kwa mutakatifu. Mais c'est un enfant. Lakini angaliki mtoto. Vous voyez. Munaona? La soif de la sainteté. Kiu ya butakatifu. Qui naît en nous. Ile kunazaliwa ndani yetu. Ne nous permet pas d'être négligents. Aiturusu tukwe bakusula. La nouvelle naissance. Kuzaliwa mara ya pili. La vie. Bujima. De Dieu que nous recevons la nouvelle naissance. Wa Mungu mwele tukunapokea wale pale tunazaliwa mara ya pili. Mais à nous les zèles qui nous conduit. Inatuletea bidile na tupeleka. À croître. Kukomea. Vous voyez. Munaona. Vous voulez grandir. Unapenda ukomeye. Il y a un zèle en vous. Kuko bidi ndani yako. De vouloir être un véritable chrétien. Ya kutafuta kuwa mukristo wa kweli. Vous ne pouvez pas naître. Hawezi kuzaliwa. Et vous retournez, vous retombez, vous devenez encore païen. Na unaanguka kisha unakuwa tena mupagano abina na maana. Voyez, frère. Unaona nduku. Le désir du péché. Nia ya zambi, tamaa ya zambi. Et là. Iko wako. Parce que tu n'as pas encore épuisé toutes les procédures de la sanctification. Jiauya maliza mandamano yote ya utakaso. Vous êtes engagé dans un combat. Unajiingiza muvita. Mais dans ce combat. Na lakini muile vita. Avec l'aide du Saint-Esprit. Na musada ya Roho. Avec l'aide de la vie de Dieu qui est née en vous. Na musada ya bushiba wa Mungu ile neshazaliwa ndani yako. Vous serez vainqueur. Utendelea kuwa mshindaji. Même si vous tombez, atakama ukianguka, vous vous releverez. Utalamuka katena. Mais péché volontairement. Alakini kutenda zambi kwa kusudi. Non, frère. Ile apana nduku. Non, frère. Apana nduku. Après cela, kisha ile, il regrette sincèrement. Anahuzunika kabisa. C'est-à-dire, il n'a pas commis un péché involontaire, manake, un péché volontaire. Manake kumbi, ile zambi alitenda, ikwe ya kusudi. Parce que dans ta question, jumuulizo yako, après cela, kisha ile, il vient regretter sincèrement et recommencer la vie de la sanctification en demandant le Saint-Esprit. Quand quelqu'un pêche volontairement, j'ai déjà parlé du péché volontaire ici. Ouais. Quand muntu, lorsqu'une personne anatenda zambi, il est mungu aweze kumusame. Comme un péché impardonnable, dans ya zamiri yake, dans le fond de son cœur, de son esprit, au-dedans de sa conscience, moyo waki, il est complètement désarmé. Manake, anatena na sila ata moyo. Même la soif, ataki la faim, l'amour des choses de Dieu de lui est complètement ôté. Bio, te bana mondoshe abio. Il peut écouter, anawezi kusikia, et apprécier la parole, na kufurahikia na maubiri, et reconnaître ses torts, na kutambua makosa yake, mais il n'a pas la force, alakini ana na nguvu, de se relever, ya ye kulamuka. L'église est avec moi. Eti kanisa munafuata. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Mutoto wa Mungu ye ashiyezi kufanya vile. Disons seulement que vous avez péché. Tuseme tu ya kwamba uritenda zambi. Parce que tu étais encore un enfant. Juru kwa ungariki mtoto. C'est vrai, tu as rétrogradé. Ni kweli unesha rudi nyuma muimani. Mais alakini, après cela, le Seigneur t'a aidé. Kisha ile Bwana Mungu anakusaidia. Et tu as cette soif de te relever. Na huku na ile kiu ya wewe kuamka. Tu as maintenant la soif de la sanctification. Huku na kiu ya utakaso. Et tu cherches le baptême du Saint-Esprit. Na unatafuta ubatizo wa Roho Mtakatifu. Est-ce qu'elle peut encore se faire baptiser? Et huyu mtu anaweza tena kumbatiza? Dans l'eau pour ses péchés là. Mumaji juu ya ile zambi yake ile? Non mon frère. Hapana nduku. Sinon, kama ina vile, c'est à chaque fois que vous tombez, itakuwa kumbini, kila mara ukianguka, à chaque fois que vous péchez, kila mara ukitenda zambi, vous devez vous faire rebaptiser. Unapashi bakubatize tena mara ya pili. Non frère. Hapana, habitakuwa si vile. Tu es un véritable croyant, kama uko mwaminifu wa kweli, et que tu as bronché, na kama ulikotola, tu as péché, ulitenda zambi, tu as désobéi, ulikosa kutii, la repentance sincère, kutubu kwa utu, et profonde, kwa suffit pour recevoir le pardon inene et la justification divine. Na kuhesabiwa haki na Mungu. Vous ne devez pas vous rebaptiser chaque fois que vous péchez. Abawezi kubatiza mara ya pili kisha tu wewe kutenda zambi, hapana. Dieu n'est pas comme toi et moi. Mungu ana sa we na mie. Dieu connaît le cœur de tout homme. Mungu anajua moyo wa kila mtu. Parce que c'est lui qui sonde le cœur et les reins. Juye Mungu ndiye kwa anachunguza mioyo. Il sait si tu es sincère dans ta repentance. Anajua kama kuwa uwaki mkutubu kwako au hauna uwaki, anajua. Kwa hiyo bien mes frères. Unaona mtu kumpendwa. Voyez bien mes sœurs. Unaona dada mpendwa. Ce qui est vrai. Ya kweli. Quand vous péchez. Wakati lona tenda zambi. Ah, vous devez vous repentir. Unapaswa kutubu. Maintenant, regarde une chose que je relève dans la question du fruit de la sœur. Sasa tazameni kitu kile mimi naona muulizo ya nduku huyu. Il y a ce qu'on appelle l'iniquité. Kuku ile kunaitwa uovu. L'iniquité, c'est quelque chose que tu sais comme étant mal. Uovu ni kitu kile unayua sema iki ni kibaya. Mais néanmoins vous tombez dans ce péché. Alakini hata vile unaanguka muile kitu, muile zambi. Dans l'iniquité, suivez-moi très bien. Uovu musikie vizuri. L'iniquité n'est pas un péché impardonnable. Uovu aina zambi ya kukosa kusamehewa. Aina zambi ile tuko na tenda munko. Ce n'est pas un péché volontaire. Ah. Devez avec moi. C'est un péché que nous commettons à cause de la faiblesse de la chair. Ni zambi ile tukunatenda kwa ajili ya buzaifu ya mwili. Kwa bien mes frères. Munasikia bantu wapendwa. Tu sais que mentir est un péché. Unayua sema kulongofia kusema uongo ni zambi. Mais peut y arriver tu mens. Alakini inawezi kufikia unalongofia ni uovu. Kwa bien mes frères. Unaona tukumpendwa. Ça dépend des circonstances dans lesquelles tu te retrouves, tu t'es retrouvé. Inafatana na mwile ali mule unapatikana. Tu sais que refuser ton mari sur le lit est un péché. Unayua sema kumukataria bwana pa kitanda ni zambi. Mais namwe tu le fais. Alakini hata vile unamukataria. C'est de l'iniquité. Ni uovu ile. C'est un péché, tu dois te repentir. Ni zambi unapashi kutubu. Il y a des choses, il y a beaucoup de choses que vous savez que ce n'est pas bon. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais vous le faites. Alakini Mungu na bifanya. Et cela dépend de, du stade dans lequel vous êtes. C'est comme un enfant. Ou même quelqu'un qui est dans la justification. Ou dans la sanctification. Ces deux personnes ont des comportements différents. C'est comme un enfant, tu peux lui refuser, tu l'interdis, ne fais pas ça. Mais maintenant, il le fait. Vous allez le tuer parce qu'il a fait cela. Dieu a fait ville. Vous comprenez que c'est un enfant. Vous voyez. Mais cet enfant-là, quand tu vas le châtier, il va revenir vers vous pour vous demander pardon. Ou quand vous le châtier, il va pleurer et demander pardon. Nakulia, et vous promettez maman, papa, maman, je ne le ferai plus papa, parce qu'il reconnaît que c'était faux. Juu anatambua, sema, ilikuwa ni kosa. Cela ne prouve pas que c'était méchant. Ayakikisha, sema, ni mtu mbaya. Il l'a fait parce que c'était un enfant. Arifonya, juu ni mtoto. Donc il doit y avoir un discernement. On a pas kuwa, kutambua kwa roho. Dans tout ce que nous faisons. Mbile biote tu kunafanya. Je ne crois pas que le frère. Jizani asema huyo ndugu. Selon la question posée. Fatana na hii ulizo. A commis un péché impardonnable. Swazi asema alitenda dhambi ya ukosa kusamehewa. Celui qui a commis un péché impardonnable. Una alitenda dhambi ya ukosa kusamehewa. N'a plus la force, n'a plus l'amour, la soif de se relever. Ana tena na mapendo, ana tena na kiu, ana tena na nguvu ya kulamuka. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Souvent, je m'abstiens beaucoup de lire les versets. Kila mara na jizuiza kusoma. Parce que cela peut me plonger dans beaucoup de choses. Inaweza kunijitumbukiza mubitu bia mingi. Vous voyez. Munaona. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que vous avez compris? Eti munaelewa. Est-ce que vous avez compris? Eti qui n'a pas compris la réponse à cette question? Nani ula sisikie jibu kuiu ulizo? D'accord. Ah, Mzuri. 27e question. Ulizo ya makumbi na saba. Après la nouvelle naissance. Kisha kuzaliwa mara ya pili. Là, on va commencer à demander la sanctification ou bien le Saint-Esprit. Pale, tutaanza kuomba utakaso au ni kuomba Roho Mtakatifu. Le frère ou la sœur pose la question de savoir si après la nouvelle naissance, kama kisha kuzaliwa mara ya pili, l'étape suivante qui vient, ile kipande kunafuata, c'est la sanctification ou le baptême du Saint-Esprit. Eti ni utakaso au ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Bien, je comprends que certaines questions qui sont posées. Ndio naelewa sema maulizo mengine weko nauliza sont posés par des personnes qui n'ont jamais été attentifs pendant qu'on a parlé du voie du salut. Ni batu bale wakuteke sikio wakati ile turuhubiri mahubiri njia ya wokovu. Et d'autres questions je comprends. Maulizo mengine niko naelewa. Qu'après l'enseignement sur la voie du salut. Ya kwamba kisha mafundisho yulu ya njia ya wokovu. On n'a pas fait la série de questions réponses pour une meilleure compréhension. Atukufanye kwa maulizo na majibu juu ya kuelewa mzuri hapana. Et ces questions dans la voie du salut ont été largement éclairées. Naima ulizo mumahubiri njia ya wokovu ilijibiwa mzuri mzuri. Néanmoins, pour répondre au frère ou à la sœur, wata vile Dieu akujibia huyu ndugu wala dada, les étapes sont comme celles-ci. Mabipande iku muina mna. Premièrement, vous naissez de nouveau. Kwanza niwe kuzaliwa mara ya pili. La nouvelle naissance est l'étape d'enfance, vous êtes un bébé. Kuzaliwa mara ya pili ni kipande kia butoto. Après avoir expérimenté la nouvelle naissance. Kisha we kuonja kuzaliwa mara ya pili. La deuxième partie qui arrive. Kipande ya pili unafuata. C'est la sanctification. Ni utakaso. Celui qui est né de nouveau doit croître. Ule anesha zaliwa mara ya pili anapasha komeye. Et la troisième partie. Na kipande ya tatu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Qui est la phase adulte du croyant. Ndio kipande ya bumuntu mkubwa wa mwaminifu. Dans la voie du salut on avait expliqué. Munjia ya wokovu tulifasilia. Que ces choses, ce sont des expériences, ce ne sont pas des des enseignements théologiques. Ya kwamba hivi vitu haina tu mafundisho bure ya kufunda Mungu ni maonjo ile mtu anapashi kuonja. Dieu est souverain en toutes choses. Mungu yeye una utawala yake mbiote vile kunafanya. Si un cœur est bien préparé, bien disposé. Kama moyo wa mtu iko tayari. Comme chez Corneille. Sawa kwa Cornelio. Quelqu'un peut expérimenter les trois phases le même jour. Uyu mtu anawezi kuonja hivi vitu vyote vitatu siku moja tu. Cela ne signifie pas. Ai sema ya kwamba. Ne faut pas comprendre quand nous enseignons la parole comme si c'était de la mathématique. Ushielewe wakati ile tu kuna fundisha neno la Mungu inakuwa sawa mahesabu hapana. Cette année tu es né de nouveau. Hii mwaka mbele unazaliwa mara ya pili. Tu fais 5 ans. Unafanya miaka 5 mkuzaliwa mara ya pili. Après 2 ans. Kisha miaka 2. Tu commences l'étape de la sanctification. Unaanza sasa kipande ya utakaso. Tu fais encore 10 ans dans l'étape de la sanctification. Unafanya tena miaka 10 mwile kipande ya utakaso. 11e année. Kisha mwaka wa 11. Maintenant vous expérimentez le Saint-Esprit. Ndio unaonja sasa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Et vous demeurez dans le Saint-Esprit pendant 5 ans. Unagawia mkipande au batizo wa Roho Mtakatifu miaka 5. Et après 15 ans vous manifestez maintenant les dons. Kisha miaka 15 ndio unaonekanisha mazawadi hapana. Cela est fou. Avoir cette compréhension, c'est-à-dire vous ne comprenez absolument rien ce qui est enseigné. Kuelewa muhinda mna maana yake usikie kitu hata kimo Biblia yote banafundishia. Ces choses sont expliquées pour vous éclairer, pour éclairer votre marche. Ibi bitu banamfasilia jumpate kuangaziwa kwa safari yenu. Vous permettre na kumirusu à comprendre les expériences que vous avez déjà vécues. Mupate kuelewa maonjo ile mnaisha fanya. Et à ceux qui n'ont pas encore vécu les expériences. Na wale ambao hawaonja maonjo. Alors qu'ils trouvent une occasion de les expérimenter correctement. Mupate bati yabo kuionja mzuri mzuri. Tout en étant éclairé sur chaque étape de la vie chrétienne. Yenye kuangaziwa mzuri kila kipande ya maisha ya Bukristo. Voyez bien mes frères. Naona ndo kumpendwa. Premièrement, kwanza, c'est de nouveau. Uzaliwe mara ya pili. Ensuite, vient la sanctification. Na kisha kunafuata utakaso. Et enfin, na mwisho, le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo sasa ya Roho Mtakatifu. Qui rend notre nouvelle naissance complète. Ile kunafanya kuzaliwa kwetu kwa mara ya pili kuneneyana. Nous vous avons toujours dit. Tunamwambia kila mara. Si tu es né de nouveau. Kama unaisha uzaliwa mara ya pili. Et tu n'es pas tu es sanctifié. Na unatakasiwa. Sans le baptême du Saint-Esprit. Bila ubatizo wa Roho Mtakatifu. Si Jésus-Christ venait chercher son épouse. Kama Yesu Kristo akikuja utafuta bibi harusi hautanyajuliwa. Tu seras dans la tribulation. Utenda mu mateso makubwa. Bien que tu as la vie éternelle. Hata vile uko na bushima mbili. Bien que tu es un enfant de Dieu. Hata vile uko mtoto wa Mungu. Voyez. Unaona? Et Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. 28. Ulizo ya 28. Si une personne tombe chaque fois. Kama mtu akianguka kila mara. C'est une pensée que je vois qui est revenue dans beaucoup de questions. Ni wazo liminona inakuya sana maulizo ya mingi. Si une personne tombe à chaque fois. Kama mtu ananguka kila mara iko paka naanguka. Donc, manake elle marche bien? Eti, yeye anatembea mzuri? Après un moment, kisha muda elle tombe. Ananguka tena. Mais alakini elle a l'envie de vivre très bien sans tomber chaque fois. Eko nani ya kutembea mzuri bila kuanguka kila mara. Est-ce que si elle reçoit le Saint-Esprit? Eti kama anapokea Roho Mtakatifu. La vie là de tomber à tout moment, à tout temps, à tout moment. Ile maisha ile ya kuanguka kila wakati kuanguka ile. Va-t-elle s'arrêter? Eti itashimama? Je réponds parce qu'il y a deux pensées ici. Niko najibu juu peko mawazo mbili hapa. La première pensée, wazo ya kwanza, c'est une personne qui marche. Ni mtu ule ko natembea. Il marche bien à un moment. Ni unatembea mzuri kwa muda fulani. À un autre moment, il tombe. Muda ingine anaanguka. Et il le fait chaque fois. Na yuko anafanya kila mara. Mais alakini, dans le fin fond de son cœur, c'est ce qui m'intéresse ici dans cette question. Wa moyo wa, dans le fin fond de son cœur, wa moyo waki, il a l'envie de vivre correctement sans mzuri, tomber chaque fois. Bila kuanguka kila wakati. C'est cet homme qui vit comme ça. Uyu mbute konaishi hivi. Et qui a la soif de marcher correctement. Na eko na nia ya kutembea mzuri mzuri. C'est quelqu'un qui vit dans la justification. Ni mtu leko naishi mkuhesabiwa haki. Est-ce que l'église est avec moi? Et tiganisa munani fuata. Quand vous remarquez cette disposition dans votre cœur, kama ukiona maneno haya inafika moyo wako, cette vie là de tomber chaque fois, ile maisha ya kuanguka kila wakati, vous l'aimez pas. Auipende ile maisha ya kuanguka kila wakati. Il y a une vie qui la repousse. Tu as honte de toi-même. Tu as honte de cette vie-là que vous menez. C'est un signe qui prouve que vous n'êtes qu'un bébé dans les choses de Dieu. Tu es encore sous l'étape de la justification. Vous voyez. Mais cette soif-là qui est en vous de bien vivre, c'est une lampe de Dieu dans votre cœur. C'est une portion de la vie de Dieu qui est en vous. C'est ce qui t'amène, tu tombes. Comme tu es un enfant, tu ne comprends pas beaucoup de choses. Mais cette envie-là, cette soif-là, vous amène à vous relever. Parce que tu aimes la justice de Dieu. Maintenant, le frère ou la sœur pose la question de savoir anauliza, si cet homme-là recevait le Saint-Esprit, kama huyu mtu akipokea Roho Mtakatifu, cette vie-là, eti, ile maisha, de tomber chaque fois, ya kuanguka kila mara ile, va-t-elle s'arrêter? Eti, itashimama, je réponds à cette préoccupation. C'est affirmatif. Akika, itashimama. C'est la raison pour laquelle Dieu, sababu yenyewe, le Saint-Esprit vient. Roho Mtakatifu eko na kuia. C'est pour vous donner la puissance. C'est pour uwezo, donner la puissance, la force uwezo, nguvu, de vaincre ya kushinda tous les péchés. Mazambi yote. Il est là, c'est pour vous donner la force. Devant toutes ces choses-là, je ne peux pas, je ne peux pas. Yakushinda bile bitu biote asema shita weza. Bile bitu biote ranza kusema, mina shindwa, mishiwezi. Je ne peux pas. Kamaro mtakatifu inakuya, ni Dieu kupatia victoire sur cela. Vous donner ushindi yule ya hiyo. Nous avons expliqué cela. Tunesha ifasilia. Dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné, vous avez des bandes sur votre télégramme. Nous stockons les prédications et les enseignements de l'Église. La mission fondamentale pour laquelle le Saint-Esprit vient, c'est pour vous donner la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire sans puissance. Le Saint-Esprit est une puissance qui vient vous fortifier pour renverser maintenant la tendance. Tu étais faible. Après le Saint-Esprit, tu deviendras fort. Tout je ne peux pas disparaît sans vous. L'Église est avec moi. Dans pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Au paragraphe 104, jusqu'au 107, certains d'entre vous continuent disant, je ne peux absolument pas cesser de boire. Je ne peux pas cesser de faire ceci ou cela. Mais le Saint-Esprit vient habiter en vous. C'est pour chasser de vous tout ce je ne peux pas. C'est vrai. Il fait en sorte que les femmes cessent de se couper les cheveux, qu'elles ne portent plus de shorts ni de pantalons. Il n'y a pas d'excuse à cela. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la victoire sur ces choses que tu ne pouvais pas faire. Vous voyez, c'est pour cela C'est pour cela qu'il y a le Saint-Esprit. C'est pour vous faire vivre. Et c'est pour vous faire vivre une vie sainte. Il vous fera obéir constamment aux instructions de la Bible. Croyez. Pas d'excuses. Il s'en tiendra strictement à la parole. C'est ce que fait le Saint-Esprit. C'est pour faire en sorte que vous, les hommes, vous détourniez la tête de ces femmes à moitié nues. Et cessez de les convoiter. Vous voyez, vous appartenez à une église. C'est ainsi que lui agit. Il vous fait cesser de boire, de fumer, de vouloir être quelqu'un d'important. Il vous guérira de tout cela. Oui, bien mes frères. Il est là. C'est pour que votre vie soit sainte. Il est là pour vous faire cesser vos cancans, vos médisances, bavardages, racontards. Et toutes ces autres choses que vous fassiez en cachette. Il vous empêchera de continuer à tromper votre femme. C'est cela qu'il fera, c'est vrai. Il vous fera abandonner le désir de vouloir épouser la femme de quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est exacte vérité. Ni kweli, ya bia kweli. Voilà ce qu'il est. Il est là. C'est pour vous faire vivre une vie sainte. C'est cela. La puissance du Saint-Esprit. La puissance déplacée vos affections sur les choses d'en haut. Là où se trouve Dieu. La pensée de Christ en vous. Vous direz, je ne peux pas le faire. Je ne peux absolument pas le faire. Évidemment, vous ne pouvez pas le faire. Mais c'est pour cela que le Saint-Esprit vient. C'est cela qu'il fait. Il vient vous débarrasser de toutes ces vieilles habitudes, de ces choses que vous faites. Cette vieille habitude de répondre injure par injure. De vous distinguer en disant, maintenant quand lui il vient, il va vous distinguer dans votre comportement. Quand quelqu'un vous maudit, toi tu le bénis. Le Saint-Esprit vient, il vient vous débarrasser de cet état d'esprit. Il est ali yaro. Voilà pourquoi il est là. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Il faut continuer dans la faiblesse. Il vous donne la puissance dans la prière. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Vous continuez à fuir la prière. Non, frère. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Et vous continuez à critiquer les prédicateurs. Lorsque le Saint-Esprit les utilise, à attaquer quelque chose de faux dans votre vie. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé soeur. C'est vrai. Quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance sur le monde et sur les choses du monde. Vous voyez, il n'y a pas d'excuse. Hakuna kujesabia haki. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Je pense que vous avez compris. Na wazia munaelewa. Donc quand le Saint-Esprit vient, wakati Roho Mtakatifu akikuja, il vous donnera la victoire. Atamipatia ushindi. Sur tous les péchés. Yulu ya zambi yote. Et vous ne tomberez plus. Hautanguka tena. Vous serez vainqueur. Utakuwa mshindaji. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé. Jokinyewe kile Mungu aliitumia. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Est-ce que c'est compris? Eti mnaelewa? On peut évoluer? Tunawezi kusonga mbele? Merci. 29. Asante. Question 29. Ulizo magumbi na kenda. Si une personne kama mutu vient de croire, anatoka mkuamini hapa sasa, mais elle a quelques dettes anciennes, anakini eko na mandeni ya zamani, sauf elle reconnaît cela, alakini anaitambua, mais alakini mais les moyens lui manquent de payer, ana na namna ya kuilipa le madeni ya zamani. Est-ce que cette personne eti huyo mtu peut-elle demander le Saint-Esprit? Eti anawezi kuomba Roho Mtakatifu? Est-ce que vous suivez la question du frère? Munafuata ulizo ya huyu ndugu wala dada? Une personne qui vient à peine de croire, mtu ule anatokea mkuamini hapa sasa, mais il a des anciennes dettes, lakini yeye una mandeni yake ya zamani, et lui il est conscient que il a ses anciennes dettes, anaijua sasa mine kala na mandeni ya zamani, mais comme il n'a pas de moyens pour payer, sasa vile ana na ya kuilipa, mais il a néanmoins besoin du Saint-Esprit, lakini anahitaji apokee Roho Mtakatifu. Dans cet état là muile hali yake ile, doit-il demander le Saint-Esprit? Eti anawezi kuomba? Je réponds à cette préoccupation. Roho Mtakatifu niko najibia. Dieu est le juste juge. Mungu ndio mwamuzi wa uhaki. Il connaît chaque cœur. Anajua kila roho. Et il sonde chaque cœur. Na eko nachunguza kila moyo ya mtu. Il n'y a rien dans ce cas précis. Hakuna kitu hata kimoya muhimu. Qui vous empêche de demander le Saint-Esprit? Kile kinawezi kuzuiza ombe Roho Mtakatifu akinako. Vous voyez, unaona, demandez à Dieu le Saint-Esprit, umuombe Mungu Roho Mtakatifu, et il vous l'accordera. Naye atakupatia yeye. Et quand vous aurez les moyens, wakati ule utapata namna, vous irez payer votre dette. Utaenda kulipa ile mandeni yako. Vous voyez, unaona, Dieu connaît ton cœur. Mungu anajua roho yako. Il ne peut pas te condamner parce que tu n'as pas de moyens. Il ne peut pas te priver la vie et son Saint-Esprit parce que tu n'as pas de moyens pour aller payer la dette. Et vous remarquerez que si tu es sincère et fils de Dieu, après l'expérience du baptême du Saint-Esprit, Dieu te donnera des moyens comme tu veux payer et que tu as reconnu que tu as une dette d'autrui et tu en souffres, Dieu va te donner des moyens de payer cette dette-là parce que Dieu travaille avec des cœurs sincères. Vous voyez bien mes frères, regardez dans Psaume 11. Dans Psaume 11. Zaburi sura ya 11. Dans le verset 5. Mustari ya 5. L'Éternel sonde les justes. Yehova ego anachunguza mwenye haki. Vous voyez? Unaona? L'Éternel Yehova sonde les justes. Ego anachunguza mwenye haki. Comme toi tu as cru. Vile wewe uliamini. Vous voyez? Unaona? Tu n'as pas cru? Haukuamini. Enfin, diabule, non bien-aimé frère, tu es devenu croyant parce que Dieu t'avait déjà justifié. Tu Mungu anaisha kuhesabia haki. Et tu aimes marcher correctement. Na unapenda kutembea mzuri mzuri. C'est cette pensée juste de marcher correctement qui te pousse à poser même cette question pour savoir quel est votre état, voyez, où vos relations, que peut être vos relations entre toi et Dieu. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs, Dieu et le juste juge. Mungu ndio muamuzi wa uhaki. Et quand Dieu te donnera les moyens, wakati ile Mungu atakupatia namna, allez payer vos dettes. Wende ulipe madeni yako. Mais pour ce qui est de demander le Saint-Esprit, demandez le Saint-Esprit et Dieu te l'accordera. Na Mungu naye atakupatia hiyo. Vous voyez? Unaona? Dans Jérémie au chapitre 11. Jérémie sura ya dans son verset 20, Musaria, mais l'Éternel des armées est un juge juste. Yehova majesi ni mwamzi wa uwaki. Qui sonde les reins et les cœurs. Et wana chunguza mioyo na ce que Dieu n'aime pas. C'est quelqu'un qui a des mais qui refuse de les payer. C'est un méchant. La Bible dit. Les méchants. En prennent. Et ne restituent pas. Vous voyez, mais toi tu n'es pas un méchant. Ce sont les moyens qui te manquent. Dieu te donnera les moyens. Et tu payeras ta dette. Dieu ne te condamne pas parce que tu n'as pas payé. Parce que Dieu du ciel sait que tu n'as pas de moyens. Et Dieu sait que tu as la bonne volonté de payer. Et Dieu sait que tu souffres pour cette dette-là. Comme lui juge tes sentiments. Et il voit comment toi tu souffres. Il te bénira certainement. Voyez dans la Bible ici. N'oubliez pas que nous sommes des hommes. Hein. Nous sommes des hommes et non des anges. Quand nous prenons 2 Rois chapitre 4, il y a le cas qui s'est passé au temps d'Élisée. L'Église est avec moi. Est-ce que l'Église est avec moi? Mba Christo, le chrétien. Aina seme kama unakuwa mkristo, unakuwa exempté na mateso ya ulimwengu. Ce n'est pas que parce que tu es devenu chrétien, tu es exempté de souffrances du monde. Kile Mungu yuko na katala. Ce que Dieu ni wewe kwenda kujituika mandeni. C'est d'aller contracter des dettes. Ya shipo mana. Qui sont insensés. Naunenda, tu ukoleta kuituka mandeni méchanceté. Tu empruntes par méchanceté. Il est niwish. Tu sais que tu n'as pas de moyens pour payer, mais tu t'endettes en désordre. Avec des versets bibliques. Non, ça c'est faux. Na, il est numbaya. Vous êtes un humain. Ukumutu. Vous avez des faiblesses comme les autres. Vous souffrez comme tous les autres personnes. Regardez dans 2 Rois. Au chapitre 4. J'aime vous lire cette histoire ici. 2 Rois chapitre 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée. Mwanamuke katikati ya banamuke ya batoto ya nabi akamula na miki ya Elisha. En disant. Mukusema. Ton serviteur. Mutumishi wako. Mon mari est mort. Bwana yangu alikufa. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. C'est ça que je voulais vous faire voir ici. Na unajua ya kwamba mtumishi wako alikuwa anamuogopa Yehova. Oh, le créancier est venu prendre. Le créancier est venu prendre. Ule ni kuna yendeni alikuwa mes deux enfants et en faire ses esclaves. Alikuwa kubeba batoto yangu bawili anabafanya kwa batumwa yake. Anakuya abebe batoto yangu bawili bali bananibakiria juu ya bafanye batumwa juu ya ile ndeni ambao baba yabo. Ah, il est venu prendre mes deux enfants pour en faire des esclaves à cause de la dette que mon mari avait contractée chez lui. Vous voyez? Unaona? Mais son mari était un véritable serviteur qui craignait l'Éternel. Mais dans les circonstances de la vie, mwali ya maisha, il s'est retrouvé dépouillé. Il s'est retrouvé dans la pauvreté. Et il est allé s'engager. Nakenda kujitoa. Sans moyen. Kukongola bila kwa namna. La mort l'a trouvé. Na lufulu na mbamba. Avec des dettes. Anakufa anacha madeni. Et il est mort avec la dette. Alikufa mwenye kuacha ndeni. Vous pensez que cet homme de Dieu ici est allé en enfer? C'est à vous que je pose la question. Cet homme de Dieu, serviteur de Dieu, qui avait la crainte de Dieu, mais pour les circonstances de la vie dans lesquelles il passait, il n'a pas su payer la dette. Il a laissé la dette à sa femme et à ses enfants. Et lui là, il est allé en enfer. Non. Apana. Regarde même quand l'homme de Dieu Élisée venait. Comme il sait que les hommes de Dieu sont toujours des gens, sont des pauvres. Les hommes de Dieu sont des gens pauvres. Ils vivent de l'aumône des gens. Vous voyez une chose qui m'a frappé quand j'étais en Israël. Les rabbins sont des gens très pauvres. Vous les voyez même dans leur habillement. Les rabbins. Bah, rabbins sont parce que tout leur temps, yoti, ils sont au temple. Beko paka kue kalu. Même leurs enfants, à partir déjà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, les enfants des sacrificateurs, des lévites, ils sont tous dans les synagogues jour et nuit, en train d'étudier la Torah. Et même quand vous voyez leurs vestes, des fois ce sont des vestes déjà dénaturées. Vous regardez leurs souliers. Et les souliers, des fois, qui regardent à droite ou à gauche. Mais ils sont serviteurs de Dieu, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Et Dieu connaît leur cœur. Vous voyez. Donc il s'est retrouvé pauvre, endetté, et la mort est venue. Et il est allé en tout en laissant les dettes. Dieu ne l'a pas amené en fer pour ça. Il est resté un serviteur kenya Dieu. Mais il n'avait pas pu payer la dette. Parce qu'il n'avait pas de moyens. Et le Dieu qui est le juste juge a justifié son serviteur. C'est pourquoi quand Élisée est arrivé, il dit moi-même je vis dans les mêmes conditions. Qu'as-tu dans la maison? La veuve lui dit un peu d'huile. Il n'avait rien. Parce que qu'il n'avait rien. Parce que le marine lui avait rien laissé. L'espérance qu'il avait, c'était seulement sur ses deux enfants. Alors l'homme de Dieu Élisée, compati par le Saint-Esprit au malheur de la veuve. Il dit un peu d'huile. Allez chez tes... Qu'est-ce que tu as dans la maison? As-tu des vases? Dis un peu. Allez voir tes voisins demander les vases. En grande quantité. Et amener toutes ces vases-là dans ta maison. Toi et tes enfants, fermez la porte. Et prenez les petites huiles que vous avez dans votre vase. Commencez à déverser dans chaque vase que tu auras demandé chez tes voisins. Et tes voisines. La femme n'a pas hésité. Vous voyez, mais cette huile va faire quoi? La dette est colossale. Ça ne peut pas racheter mes enfants. Frère, je vous dis encore une chose. C'est un conseil que je vous donne. Kama unaenda kuona mtumishi wa Mungu, si tu vas voir les secrets de Dieu, anakupatia conduite fulani, et qu'il te donne uheshimu, respecte cette conduite, utaona utukufu ya Mungu. Tu verras la gloire de Dieu. Apana kuraisonner. Il ne faut pas placer ton raisonnement là-bas. On peut te donner une conduite qui semble être banale. Mais comme ça vient de Dieu, obéissez à cela, tu verras la gloire du Seigneur. La femme n'avait pas raisonné. Il a pris maintenant son, les petites huiles qu'il avait. Peut-être un copo de tomate. Elle est sortie en disant, c'est ce que tu m'as dit là. Je suis allé l'appliquer tel que tu me l'as dit. Je n'ai plus d'endroit où il faut. Maintenant, viens voir. Tous les vases sont pleins d'huile. C'est de Dieu a dit, Mouzuri, va prendre toute cette huile et va vendre. Après avoir vendu cela, il parti, tu vas payer il est qui a ce qui va te rester. Ça va t'aider pour survivre. Parce que l'Éternel est le mari des veuves. C'est comme ça que Dieu fait. Dieu fait le mungo qu'on a fait. Donc, il ne faut pas juger les gens. J'ai toujours dit, même aux frères, si un frère vient emprunter chez toi, un véritable chrétien à Congola qui vient t'emprunter, sache que peu importe, il te paiera à Izuru Muda parce qu'il a la crainte de Dieu dans son cœur. Évitez de mépriser les frères parce qu'il est venu t'emprunter. Évitez cela. Il faut pas parler sur les frères. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. Il ne faut pas le faire. L'église est avec moi. Ne méprisez pas les frères et les sœurs qui sont en difficulté et qui viennent vous emprunter. L'écriture dit, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Et quand quelqu'un t'emprunte, oubliez cette dette-là. S'il venait te payer, d'accord. À Mouzuri, s'il ne vient pas te payer, considère comme si il tu l'as perdu. Ce que je dis, il a concerné ça concerne toi, un enfant de Dieu qui prête. À y concerner, ça nous concerne pas. Pour le Congo, là. Une écriture qui l'a monté. Chacun Congo, là, est une écriture. Celui qui emprunte à son écriture. Celui qui prête aussi à son écriture. Celui qui prête, on lui dit. On a ça, oui, le mambo. Oublie ça, on est déjà pour hypothèse. Considère comme si cela est perdu. Mais oui, au Congo, là. Qui vient. Pas méchant. Je vais aller dans le Congo, là. Et emprunte sans payer. Choisis les côtés dans lesquels tu es. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Eti, qui a une question à ce sujet? C'est clair? Bikuwazi. Merci. Asante. Nous nous arrêtons. Si je prenais une autre question, on est déjà à moins 5. Que Dieu vous bénisse. Mungwa mibariki. Le conseil que je vous donne, shauri ni mnampatia, avec tout mon cœur, na moyo wangu wote, un chrétien n'aime pas les dettes. Mukristo apenda ke mandeni. Hapana. Non. Unaona kitu kingine kinafikishaka bantu kuya na mandeni mingi. Kwa Kongo la Kongo ni kukatala kutumika. Qui pousse les gens à aller emprunter, c'est puisqu'il reste. C'est pourquoi Paul na Paul. Ni puko voye Paul. Et le kutonse anasema. Il nous conseille en disant, iko mzuri kwanza kutumika. Tamie travailler. Olie a kwanza pa kwenda kulomba lomba. Plutôt que d'aller demander à tout le monde. Travailler. Kuna wewe na kintu fulani ya kusaidia kwa wengine. Aider les autres. Mukanisa na wewe kuya na souci ya kusema nisaidie kwa mwingine. Et aussi le souci d'aider l'autre. Kama uwezi kumpatia 100 dollars. Même si tu peux pas lui donner 100 dollars. Attends, on unampatia 1000 dollars, on unampatia 1000 francs. Même si tu déjà quelque chose. 1000 francs. Même si tu n'as pas 1000 francs. Ah, on a 1000 francs. Mais kama na beba. Si tu prends, tu lui donnais seulement les pommes, les ignames, ou quoi, ma femme. Ce n'est pas seulement de l'argent. Ah, il n'a pas qu'à faire ça. Qu'on doit se distribuer. Il est tourné sur Kaboulana. On a beaucoup de choses à donner aux gens. On a mis tout mingi à Ugawanyana. Tumika. Travailler. Ou couiller qu'on a kindu. Pour avoir de quoi. Qui a conseillé, à qu'on a beau bengine. Aussi les autres. À part la paka ou saïdi. Pas seulement toi et toi. Et nous devons aussi. Tu n'as pas jeté. Vivre cette écriture. Oui, je l'ai. Et comprendre que. Où est le Wayakwa. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. La main qui donne est plus bénie que celui qui reçoit. Parce que quand on te donne, tu dis que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, mon frère. Certainement, il est béni. Akika ula na kukaburia atabarikiwa. Sasa wewe ulioripokea. Tu n'es pas béni. Hauna mwenye ubarikiwa. Et pourtant, japo, tu as profité de la bénédiction. Unafaidia mubaraka. De ton frère, de ta sœur. Na ule ndugu yako na dada. Cette bénédiction te permet. Baraka yake ile. Vivre en paix. Inakusaidia na wewe uishi msalama. Vous voyez. Unaona. Mais Dieu le bénira. Mungu atambariki. Atambariki ule dada. Tu as servi. Dieu endelee kusaidia. Apprécie aussi. Tu furahi na sisi. Apprécie aussi. Tu furahi. De servir les autres. Pour que nous recevions les bénédictions qui viennent des autres. Baraka kutokea kubengine. Comprenez-vous cela? Eti munaelewa hiyo? Que Dieu vous bénisse. Mungu aimbariki. Lève-nous pour la prière. Tusimame juu ya maombi. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. La véritable compréhension des Écritures. Kuelewa kwa kweli kwa maandiko. Et des expériences chrétiennes. Na kwa maonjo ya Kikristo. Ne vient que de toi. Iko natokea paka kwako. Au nom de Jésus-Christ. Mujina ya Yesu Kristo. Accorde à chacun de nous. Upatie kila mmoja wetu. Par la voix du Saint-Esprit. Upitie njia ya Roho Mtakatifu. À travers ces paroles. Upitie maneno. Qui ont été prononcées ce soir. Il semewa imangaribi. Une meilleure compréhension. Kuelewa kuzuri. Juste et équilibré. Kunyoloka na kwenye pour notre paix, pour notre bénédiction. Que celui qui vivait dans le péché, que le Saint-Esprit lui accorde la victoire. Seigneur, que celui qui n'avait rien, comme il a faute de travailler, il est quelque chose pour servir l'Église. Merci Seigneur. Asante Bwana. Bénis les frères, les sœurs. Pour poser ces questions. Bale wariuliza imaulizo. Bénis notre église. Bariki kanisa yetu. Au nom de Jésus-Christ. Mujina Yesu Christ. Amen. Amen. Amen.